Excellence de Marie et de son culte, par le révérend Père Dominique de la Mère de Dieu, Domenico Barberi, première partie, chapitre 4e du troisième traité. Vertu théologale de Marie. Il est temps enfin de considérer ce qu'il y eut de plus noble, de plus sublime dans Marie, je veux dire les vertus théologales, qui sont sans contredit beaucoup plus excellentes que les vertus morales. On appelle ces vertus théologales, parce qu'elles ont immédiatement Dieu pour objet. Ce sont des dons gratuits de l'Esprit divin, et l'on ne peut les acquérir par les seules forces du libre arbitre. Elles sont au nombre de trois, comme tout le monde le sait, la foi, l'espérance et la charité. Commençons par la première. Premier paragraphe. Foi de Marie. La foi est une vertu divinement infuse dans l'âme, par laquelle nous croyons tout ce que Dieu a daigné nous révéler, à raison de l'autorité de Dieu même, auteur de la révélation, qui ne peut se tromper ni nous tromper. Marie posséda cette vertu, comme toutes les autres, à un degré éminent. C'est à cause de sa foi que l'Esprit Saint fit son éloge par la bouche de Sainte Élisabeth, que « Vous êtes heureuse, ô Marie, d'avoir cru parce que les choses qui vous ont été dites de la part du Seigneur s'accompliront en vous. » Luc 1, 45. Il paraît d'après ces paroles, dit un pieux cardinal, que Marie ne douta pas un instant, mais qu'elle crut avec une foi pleine et entière, et mérita par là de porter le fruit, objet des plus ardents désirs. Il paraît aussi que Sainte Élisabeth, éclairée par l'Esprit Saint, fit allusion aux paroles que l'archange Gabriel avait dites à Marie. De même qu'Ève, par la crédulité qui la fit se rendre aux insinuations de l'ange rebelle, apporta la mort au genre humain, ainsi Marie, par la vivacité de sa foi, qui lui fit croire aux paroles de l'envoyé céleste, rendit la vie à l'univers. La foi que Dieu communiqua à Marie fut la foi la plus parfaite, telle qu'elle devait se trouver dans la mère des croyants. Au moyen de cette foi vive, elle pénétra les mystères les plus profonds et les plus sublimes, voir Suarez, volume 17, page 156. La foi de Marie fut aussi grande, aussi sublime, aussi pure, qu'elle peut l'être dans une créature, dit Saint Bernard. On représente Marie comme revêtue du soleil, parce qu'elle pénétra, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, dans les abîmes de la divine sagesse, en sorte qu'elle semble, autant que le comporte la condition d'une créature, plongée dans cette lumière inaccessible. Insignium Magnum numéro 3, Apocalypse 12. C'est un livre nouveau dont l'auteur est Dieu, la doctrine le Verbe, la plume l'Esprit Saint, Saint Jean Damascène, article 1er De Nativity. Mais quand la Sainte Vierge reçut-elle cette foi si grande, si généreuse, je réponds avec Suarez qu'elle en fut douée à l'instant de sa conception. Dès le premier moment de son existence, elle connut explicitement le profond mystère de la très sainte Trinité. Quant à celui de l'incarnation, on ne peut douter qu'elle n'en eût au moins une connaissance confuse. Marie commença sa carrière au point où les autres ont atteint leur perfection. Ses fondements furent plus élevés que toutes les montagnes de sainteté qui avaient existé avant elle, si donc Dieu révéla le mystère de l'incarnation à d'autres saints. La raison nous oblige d'en conclure que Marie le connut dès l'instant de sa création. Pour ce qui regarde les circonstances particulières du mystère, elles se développèrent à ses yeux dans la suite. Comme elle allait toujours croissant en grâce et en vertu, elle grandissait aussi dans la foi. Elle fut instruite par les anges, et beaucoup plus encore par son divin Fils lui-même. Ce soleil qui était venu éclairer tous les hommes ne dut-il pas éclairer tout particulièrement sa mère? Nul ne doit s'étonner, dit saint Ambroise, que Jésus-Christ ait manifesté à sa mère plus qu'à personne les divins mystères, puisque nous savons que la Sainte Vierge fut toujours la plus proche de son divin Fils. Il convenait en effet que cette reine, qui devait fouler aux pieds toutes les hérésies, fut pleinement imbue des mystères de notre sainte foi. Combien la foi fut profondément enracinée dans le cœur de Marie, combien elle fut vive et constante, l'Esprit Saint nous l'apprend au livre des Proverbes, 31-18. On lit de Marie, dit à ce sujet saint Bernard, que sa lumière ne s'éteindra point pendant la nuit, que cela fasse rougir ces vierges insensées, qui, n'ayant pas fait provision d'huile, furent trouvées par l'époux avec leurs lampes éteintes. La Vierge fut une lampe ardente, et telle qu'elle put même éclairer les anges, ayant été, plus que tout autre, remplie de l'huile des célestes faveurs, saint Bernard sermon 2 de l'Assomption. La lampe de Marie ne s'éteignit point pendant la nuit, mais qu'entend-on par cette nuit? On pourrait entendre la nuit naturelle, durant laquelle, tandis que les hommes se livrent au sommeil, la Sainte Vierge veillait, ayant l'esprit toujours occupé de Dieu, confère Cornelius à Lapide. On entend en second lieu le temps de la Passion de Jésus-Christ, ibidem, pendant laquelle la foi fut, sinon éteinte, du moins un peu offusquée et obscurcie dans les apôtres eux-mêmes, plusieurs d'entre eux se laissant aller à des défiances touchant la promesse de la résurrection. Il n'en arriva pas de même à Marie, sa foi fut plus vive que jamais. Aussi l'Église, dans l'office des trois derniers jours de la semaine sainte, a coutume d'éteindre tous les cierges, un seul excepté, pour signifier par cette cérémonie que la foi demeura vive dans le cœur de Marie, que ce fut une lampe toujours ardente, et toujours luisante, une lampe inextinguible, comme l'appelle saint Cyrille. Presque tous les apôtres prirent la fuite et se cachèrent durant la Passion, les princes d'Israël devinrent peureux et tremblants, Marie, au contraire, constante et intrépide se tint au pied de la croix de son divin Fils pour assister à l'auguste sacrifice, dans cette circonstance le sexe le plus faible, comme dit saint Jean Chrysostome, fut plus fort que le sexe viril. Par la nuit on peut entendre aussi le temps de cette vie mortelle, durant laquelle Marie avec son flambeau, éclaire et illumine les esprits des pauvres enfants d'Adam, plongés dans les ténèbres. Elle ranime leur foi et fait en sorte qu'elle se conserve vive et active, telle qu'il la faut pour arriver à la vie éternelle. Ô Marie, ô lampe ardente, flambeau resplendissant, qui éclairait les lieux ténébreux et sombres de ce bas monde, luminaire moindre, comparaison faite avec Dieu, que le Seigneur a destiné pour luire dans la nuit de ce siècle, psaume 104, 30. Éclairez, je vous en prie, nos esprits obscurcis, obtenez-nous le flambeau d'une foi véritable, vivez et agissante par la charité. Fortifiez la foi dans ceux qui la possèdent, faites briller les rayons de votre lumière sur les nations qui vivent ensevelies dans les ténèbres et à l'ombre de la mort, faites que tous puissent jouir de la brillante clarté du divin soleil, que tous connaissent Jésus-Christ, que tous l'adorent, que tous les cœurs s'unissent afin de lui rendre, à lui, le tribut de leurs hommages et de leurs louanges. Et à vous mille actions de grâce pour les faveurs innombrables que votre bienfaisance maternelle a procurées aux enfants d'Adam. Markendanarchive.org 2023 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons, pas d'usage commercial. Partage à l'identique.